Activité 3. Tu vois ? Lui, c'est Paul. Il est étudiant en France. Il a 20 ans. Il est américain. Et elle, c'est Mathilde. Elle est française. Elle habite à Paris. Elle a 18 ans, je crois, peut-être 19. Et elle parle anglais. Et alors ? Ben, tu vois bien.